compris. Et ouais, ça y est. Maintenant, on met un coup de grosse caisse. Mets la grosse caisse. Voilà, comme ça. Non, mais essaye de toujours rester dans le rythme. Garde bien la grosse caisse. Retire la grosse caisse maintenant. Parfait. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner que deux coups de grosse caisse. Tu laisses deux temps et tu redonnes deux coups de grosse caisse pour essayer. Ouais, c'était réessaye, réessaye. Toujours garder à Charleston sur le temps. Ouais, non, mais pas la grosse caisse sur le temps, essaye plutôt la Charleston. Comme ça, ce sera encore plus. Maintenant, je vais te montrer un truc de base qui est vraiment vraiment pratique pour apprendre, qui t'apprend tout le contretemps, tout ça. Donc regarde, écoute bien.